Dini, je dégaine. Elevation. Sacré Sidi, mon pote. Mille B. Y'en a plein qu'on a viré. Nous, on parle pas Umbila. Matrixé par cette villa, j'ai fini mon chauffage, j'accélère au virage. J'ai souffert, ça se voit sur ma ganache. Donc je vais tout voler sans laisser mes paluches. Dis pas mon blast quand tu pénaves. Lavage de cerveau, maintenant on est paré. Ça part de zipette ou de société. J'élabore un plan pour quitter la cité. On a volé d'y par nécessité. Ça prend du temps parce que je suis un peu dissipé. J'attends mon zéo et je m'arrache d'ici peu. J'ai été trahi par quelques disciples. Salam au tolard qui t'y sera en CP. J'oublie pas les frérots qui m'ont fait des ce pas. Non, j'oublie, hop. J'suis dans le pot, ça pue la stup. Midi, minuit, c'est que la rue. La chaussée, mi pix, la zone, tu connais, boy. J'suis dans le pot, ça pue la stup. Midi, minuit, c'est que la rue. Chip de guerre, détruit de la chaussée, tu connais. En ce moment, j'suis remonté, donc j'la fais seul la remontada. C'est dans notre quotidien de finir me noter. T'es pas Kuma, ton équipe est fada. J'ai déjà quitté la prod, j'ai même pas siroté. Visuel et les ouais, voilà qu'on est rodave. J'bouge pas mon cul si l'affaire n'est pas rentable. Là, j'suis trop déter, j'dois le faire pour mes rempas. Si on 40 tes kilos, voilà qu'on te les rempas. Toute l'équipe est dans la vente de repu. Tout le monde est cerné, c'est très rare qu'on roupie. J'ai semé la flicaille sur la voie rapide. Fumer la ganja, c'est ma seule thérapie. Sur un plafond avec 2-3 rapis, on peut te faire du sale pour de la plata. Et j'fais TP comme Verratti, c'est impossible qu'on finisse tapis. Sur terrain en TN, aller-retour de 10 chargés dans la B. Ouais, ta gadji me DM, j'suis pistonné comme un joueur de la D1. Fume la bulle d'IA, j'ai gardé la mentale comme Mujangi Bia. J'vais empiler les billets, j'vais à toi Ahmad, maintenant c'est moi qui dois briller. C'est moi qui dois briller. J'suis dans le pot, ça pue la stup. Midi, minuit, c'est que la rue. Ouais, ouais, là y'a de la chaussée, mi-pix, la zone, tu connais, boy. J'suis dans le pot, ça pue la stup. Midi, minuit.